j'avance tout seul, je vous encule. Le rap français, je l'ai pendu, à l'heure j'ai remis les pendules. Martyrisé, mon flow est passé par la cave. Enregistré par le courage, masterisé par la gamme. Les concernés pourront te dire que j'ai raison. J'ai pénétré les maisons de disques avec un disque fait maison. J'en perds la tête, des fois je parle à mon papier. Je fais du mal à mon cahier, je préfère être seul que mal accompagné. Frère, ça manque de place à la baraque. J'ai réussi grâce à mes phases, je m'en bats la race de la Starac. Bah ouais. Habile est le bras droit, Karim le bras gauche. 609 sur le drapeau, lever les bras c'est un braco. Indépendant à l'heure où j'ai guisé mon mic, passé de la maison pour tous à l'Elysée Montmartre. J'ai bouffé les mixtapes et les petits concerts. La galère et la gamelle, ne me clash pas, petit conseil. On avance et peu importe les autres. T'as voulu clasher SIM, le gars t'es dans la merde. C'est jour d'indépendance, donc macabre et respect. 93 accords, lève les bras si vous êtes fort. On mise tout, on plie tout, on nique tout. C'est nos vies en vertu et vie, sans souffrance et kiff. C'est tandem cynique et l'escadrille. Okay. C'est le gros qui défigure ton rap game. Tu sais que tu peux pas nous maquer. Dans le feu t'as trop de pédales, alors on finit pour fusiller ton arqué. Nous c'est en indé qu'on a tringlé ton rap de teigneux. Nous on prend tout sérieux, alors ferme les yeux et laisse-toi guider par ma meute. Ma gueule, exceller, c'est tout ce qu'on sait faire. Excéder, on est trop fiers pour une bande de fêlés à peine conscients de leur réalité. Au volant nos voitures pélées, on bombarde. Après un clip boycotté, tu sais qu'on est remonté. Toujours chaud pour démonter. 93 anti-deck, lyrical carnage. Nous défonce tes barrages, bâtard. Crois surtout pas qu'on a pas d'armes. Ce que j'attends de la vie peut vous effrayer. Ligoté sur la voie ferrée, percuté par mon train de vie. Très vite, j'ai voulu triompher, refusant de sourire aux instants de malheur de l'île de Gorée. Ma vie écrite sur du marbre en lettres dorées. La frange, je l'ai baisée, sans la tenue correcte exigée. Au QG, c'est dans la tristesse qu'on est plongé. Voulant trop te venger, c'est du piche que tu vas manger. Négro, prisonnier du brasier. L'Afrique compte sur toi, fils d'immigré, pour aller leur voler ce qu'ils nous ont pillé. On avance et peu importe les autres. Le 93 accords, lève les bras si vous êtes fort. On mise tout, on plie tout, on nique tout. C'est nos vies en vertu et vie, sans souffrance et kiff. C'est tandem cynique et l'escadrille. Et c'est pas de retenir mes gens quand ça part en vrille. Trois groupes, une seule cause, hématome et chymose. Mais qui ose lever les yeux sur mon équipe de feu. Pas de la bouche que des faits, pas des faux que des vrais. Des voix bien racailleuses sur lesquelles on a mis de l'effet. C'est plus la fête, ta tête rebondit sur le sol. Ça fait boum boum, c'est pas ton cœur mais l'impact de ma grolle. La table, la dope et le rap, on te kidnappe. Petite frappe, moi c'est Roberto a.k.a. grosse frappe. Le rap on le maîtrise comme une bécane qui se lève. Le rap français est mort, la France a du sperme sur les lèvres. Toujours vif, j'attends le pif pour me détendre. Le rap français c'est deux tours à peine, nous en septembre. Mais putain de merde, mon bordel est criminel. Viens faire un tour dans ma ruelle, je te montrerai mon opinel. C'est du sel. Moi j'étudie et j'aime, je suis en maîtrise cérémoniale. Durer la conjoncture dans le marché de la drogue. Alors ma voix se doit de séquestrer la foule. César alias la bande originale d'un plan cagoule. Indépendant, les procs sont eux-mêmes en pépli. Mais tu crois qu'on blague là, petit, on va te blesser ici. MC ma rage ridiculise ta haine. Beaucoup de mes gars ont des frissons quand j'irréversibilise la scène. On avance et peu importe les autres. T'as voulu clasher SIM, le gars t'es dans la merde. C'est jour d'indépendance, donc macabre et le...